Mon Dieu, fit-il, après tout, elle n'a pas déjà tant à se plaindre, la petite. Les cloches ont sonné spécialement pour elle aujourd'hui. J'ai pour elle mis au pillage mon jardin. Pour elle, j'ai traîné une étole neuve. Et qui sait, dans 6 mois, c'est cela, mon neveu, qui serait beau. Dans 6 mois, quand il s'agira de la confirmer, peut-être monseigneur, tout monseigneur qu'il est, ne refusera pas de se déranger pour elle. Et souriant à la blondine qui passait, un peu émue, un peu farouche. Va, Garidée, tu peux être fier, on ne fait pas toujours tant d'honneur aux filles de roi.